sur le morning de la nuit anonyme, mon cher Mathias. Bientôt 8h. Et bientôt 8h avec le jeu de Elliot et Jacques, celui Elliot qu'on attend Jacques. Depuis le début. Oui. C'est quoi le jeu d'Elliot de cette et Jacques nuit. C'est des quiz, des chansons, des peignes à moustache. Ouais, des trucs super. Et ouais. Tout de suite, Mathias, tu vas appeler un cirque. Le Bonjour. Cirque Plume. Je suis jongleur. Est-ce que attention, ton pied. Ouais. Moi aussi, j'ai cru qu'il allait tout bazarder. Ouais, moi. Ce serait pas mon genre du tout. Et est-ce, non, il a réussi. Est-ce que attention au câble. Il a géré. Est-ce que quelqu'un peut m'écouter ou pas? Comment? Voilà. Quelqu'un pourrait retrouver mon mobile? Ton mobile? Bah ton mobile, il est là. Il est à côté de la. Bah, il est sur la table là-bas. Faudrait envoyer un texto à Pierre Ponce. On arrive. Mais on. S'il te plaît. S'il te plaît. T'as allé chercher Pierre, s'il te plaît. Monsieur Pierre Ponce. Non, c'est bon, et on est parti chercher Pierre Ponce. Pierre Palpatine. Pierre Platine. Elle m'a dit réveille-moi à 8h. Il est 8h, excellent. 8 ça se passe bien la nuit anonyme pour toi? Bah là, je suis un peu claqué. Tu feras gaffe à ta cuisse. Parce que t'as un truc de type. De type pointu. Heureusement que tu me le dis. De type pointu. Je te remercie, gendarme. Orienté vers toi. Ami gendarme. Oui, ça se passe bien. Je t'avoue que je suis un petit peu naze. Est-ce que t'es content? Je suis content de ce qui se passe. Par contre, je suis en train de réaliser que dans 4 heures, c'est la fin. Oui. Et du coup, dans 4 heures, tu vas aller dormir. Est-ce que dans 4 heures, je vais aller pioncer? Mais comme un loir. Ça va être terrible. Est-ce que, genre, l'heure de fin, on la squeezerait pas? Moi, je suis chaud pour qu'on parte plus vite. Ouais. Parce qu'à la base, c'était censé terminer à 13h. Ouais, mais moi, je suis 100% avec vous, là, les gars. Pour le poulet frites. Mais est-ce que le poulet frites, il irait pas se faire enculer? Bah, ou plus tard dans l'année. Ouais, hein. Du coup, on termine à midi, on dit ça? Ouais. Ah, très bien. Moi, je suis chaud. De toute façon, je serai pas là. Donc. Du coup, on va meubler. Tu pars quand, toi? Moi, je pars pour soit 10h, soit 11h. D'accord. Donc, bientôt, je suis parti. Très bien. Et Pierre Ponce arrive. Ça a été Pierre Palpatine, pardon. Pierre Platine. Spoiler. C'est T'as cool. bien dormi? C'était cool? T'as fermé les yeux, du moins. Alors, attends, il y a le live qui a peut-être planté. C'est vrai, le live... Non, il a pas planté, on est toujours en direct. Ah, ouais. Bah, je sais pas, je l'ai pas là-bas. Bah, pour la souris... Jeune freluquet. Voilà, vous voyez Mathias en action, en mouvement. Vous pouvez distinguer son magnifique pantalon rouge. Non, on est cassé. Bon, et toi, Raphaël? Oui. Est-ce que vous avez apprécié cette nuit? Bah ouais, moi j'ai pas tout suivi. Il y a un moment où il y a une coupure parce que j'ai dormi. Mais ouais, c'était vachement sympa. Un peu de cafouillage, mais sinon c'était. Enfin, moi j'ai kiffé. T'es et toi? Oui, et toi, Eve? Bah, je suis extrêmement fatiguée parce que déjà j'avais pas beaucoup dormi avant, donc là c'est vraiment dur. Est-ce que tu trouves que la prod est extrêmement bien? Mais franchement, je suis vraiment contente d'avoir lutté jusqu'au bout pour ça. C'est vrai? Ouais. Genre c'était important pour toi? Ouais, grave, ça m'a permis de vous faire. Du coup, j'ai l'impression que le live a été niqué, ouais. Bah, c'est pas grave au pire, on est en. Oh, le live il a planté? Bah, j'ai l'impression en fait. Je sais pas, tu veux pas créer un nouveau. Tu veux créer un nouveau live? Ouais. Bah je sais pas, ça fait. T'as rechargé la page? Ouais. Oui, donc tu disais. Et ça bouge pas. Et il y a Victor, normalement, il n'y a pas Victor. J'allais voir sur mon ordi là-bas. Partager mes idées. Avec les gens? Et mon jus de fruits. Bah. C'est le meilleur du monde. Bah, c'est cool. C'est toi qui le presse toi-même et qui le mets dans des bouteilles? Non. Non. Pas celui-ci. Ah, pas celui-là. Par contre, on a un petit souci technique pour l'instant, on ne sait pas trop si le live est encore opérationnel ou pas. Donc du coup, installez-vous les gars. Et genre un souci qui peut durer longtemps, ou... Non, sinon si ça ne marche pas, on va relancer le live et ce sera bon. Tout à fait. Quelle très belle idée, Raphaël, vous avez eu là. Bah, je vous remercie. Ouais. Après, c'est Rémi Magique. Et, non, après, il y a une heure de trou, je crois. Donc du coup, je pense que l'heure de flottement, tout le monde va dormir. Ouais, ou alors, ça va tchatcher, mais que les gens... S'il y a Fabrizio et Juliette qui viennent, on peut faire un Ouais, ou s'il y a des gens qui viennent après, bah... Bah ouais, c'est ça, c'était ce qu'on disait. Sur les expats, là. Ouais, c'était ce qu'on était en train de dire avec Mathias. On était en train de régler et qu'il était chaud pour arrêter le live à midi. Ça fonctionne ou pas? Ça a planté? Là, ça enregistre pas. Mais ce... Non, enfin, à mon avis, le live il a planté, donc du coup faut en refaire. Lancez, putain, mais il se fout de ta gueule. Hein. Bah, va déconnecter le. Lancez-vous. Attends, je vais le faire. J'ai tellement mal à la jambe par contre, à force d'être assise. La suite de la nuit anonyme se poursuit sur la partie 3 à cause du petit problème technique, on en est fort désolé. Et elle arrive dans un instant. Un instant magique. J'essaye de trouver de quoi fantastique. Combler le... Merci, merci Elliot. Les deux meilleures personnes. Oui, et voilà, comme d'habitude. Qui ont fourni de nombreuses réponses à tous les coups précédents. Voilà, voilà. Et Raphaël, il y a toujours du monde chez toi? Oui. Bah, tire-le. J'ai toujours mes affaires dans ta chambre. Bah, je sais. Qui déborde dans 40 minutes. Qui ça? Et je pense que quand je partirai, je devrais récupérer ces affaires qui se trouvent chez toi. Il faudra bien. Nous sommes à nouveau... nous sommes à nouveau de retour. Attends, voilà. Faut peut-être mettre le casque. Pas tout à fait. C'est pas bon? Ouais, le casque. Est-ce que nous sommes de retour? Dites-nous tout. C'est quel casque que je dois prendre aussi? Je ne t'entends pas. Celui qui est en face de toi. Tu ne m'entends pas là? Ah, si c'est bon. Là, excuse-moi. Je crois qu'il correspond à... Je ne parlais pas du tout assez fort. Voilà, mon petit Théo, normalement, tu devrais avoir... Est-ce que nous sommes en direct là sur l'internet, oui, sur le toile? Ah, dans la partie 3 de la nuit anonyme, c'est ça? Merci les garçons. Et moi je suis venu pour les croissants. Bonjour. Mais qu'est-ce qui t'arrive, Mathias? Pourquoi vous êtes écœuré? Ah, t'es fatigué, Mathias? Moi aussi. Bah, nous on est en pleine forme. Hein. Alors, hein. Allez, il est 8h. Non, allez. Tout le monde se lève. C'est l'heure de se lever. On frotte les joues. Allez, on frotte les joues tous ensemble. On se met des baffes. Ah, cool. On se gratouille les lobes d'oreilles. On frotte les joues de son voisin. Le lobe. Et on a Pierre. Sébastien qui Lobe. Je pense que. Merci Pierre. Salut Pierre. You're the man. Tiens. Merci. De rien. Eh bien, super. Nous avons 4 personnes. Rien de rien. Les câbles. C'est pas parfait. Oui. Ouais. Chouette. Est-ce que vous êtes déter? On est déter. On est même vert déter. Oh yeah. Bon, bah voilà. On s'est chauffé. C'est bon, on est chauffé. Ouais, là, moi, il faut faire deux équipes et des équipes mixtes. Bah voilà, j'ai trouvé ma. Ah bah, je suis avec Zoé. J'ai trouvé ma partenaire particulière. Merci, partenaire particulier. Heureux. Voilà, maintenant vous avez tous l'air en tête. Oh, c'est pas grave. Je suis très heureux. Il va prendre sur lui. Je vais, ouais. La fatigue va prendre le dessus sur moi, surtout. Je vous présente un peu ce qui va se passer. Non. Je ne me rappelle plus totalement de l'ordre. On s'en fout de l'ordre. De toute façon, on va tout montrer. On s'en fout de l'ordre. C'est le jeu de Jacques et Elio. Voilà, c'est ça. Merci. Ça va cartonner. Ça va cartonner. Oui, on est de retour sur Internet, Mathias. Regarde, on bouge. Bah, c'est pas grave. Et toujours Team Mathias. Est-ce que le hashtag la nuit anonyme est entêté? Pas du tout. Bah ouais, c'est raté. Bah, en même temps, il n'y a qu'un visionnage en cours, c'est-à-dire cet écran. Ah, qu'est-ce qui marche? C'est triste. C'est triste. Après pour la partie on se regarde. Ne pense pas forcément à l'instant présent, Mathias. Je pense que je pense que dans la durée. On va commencer par. Dans la durée, par, il va cumuler pas va, mal. On de va de faire vues. Au moins 20 vues. 20 vues. Et ben moi je trouve ça génial. Ouais. Donc, au moins on se fait plaisir. Bon, on va prendre le respect là, s'il vous plaît. Non, le respect il est parti. Non, non. Le respect se prend. Vous allez me chercher tout de suite. En gros, nous c'est plein de. Dégueulasse. Nous c'est plein de petits jeux. Vous allez participer. Très rigolo. Essayez de vous amuser, ce serait pas mal. C'est un truc divertissant un peu. Ouais. Est-ce que c'est festif? On gagne des cure-dents. On essaye que ce soit un peu festif, mais il faut y mettre du vieux, du vôtre aussi. Du vieux. Bah, on parlait des maisons de retraite tout à l'heure. Alors, quel âge as-tu? Mathias, ce sera festif avec des vieux. C'est cool, moi je suis dans l'équipe de Mathias. Il faut ouais. Ah, c'est l'équipe des personnes âgées là. Ouais. On sort un chrono ou pas? Non, on s'en fout. Fait notre chrono dans la tête. Ouais. Non, non, non, j'ai un chrono. Ah, ils veulent faire ça. T'as vu, eux, ils font ça à la pro et tout. Minimum sérieux, s'il vous plaît. Ils sont grave pro. Nous, on s'en bat les couilles. Regarde, par exemple, moi, mon quiz de fin. Bah, ouais, il est pas mais prêt. C'est bah, surtout, tu vas pas le faire. On va vous stresser. Et j'ai déjà mon chrono. Est-ce qu'il faut appeler Rémi Magique? Mais il vient pas à 10h, lui. Si, mais, si, mais serait ce serait bien qu'il vienne à 9h. Il y a un message, mais il m'a pas répondu. Bon, c'est pas grave. Appelez-le à 10h et à 9h, on fait un. Il y a Guillaume qui vient. Voilà. Donc bah, on fera un truc, c'est le Guillaume Time, ouais. C'est décrété. Voilà. Voilà. Si tu nous regardes, sache que c'est à ton tour après. Bah non, je te laisse présenter. Alors les gars, votre jeu. Il présente le jeu et vous commencez. Ah vous, tu me vous vois? Ça me fait plaisir. Je vous présente la première partie. Ouais. Ou alors t'es en gros, à choisir. Vous avez, je donne un thème sur lequel vous devez chercher des films et vous avez 10 secondes pour chercher un film. Et au bout des 10 secondes, si vous n'avez pas trouvé le film, c'est à l'autre. Parce que en gros. Attends, c'est à l'autre de le, notre équipe. L'autre de notre ouais. Équipe quelle, ou c'est. Quelle équipe commence? C'est du ça rush. Va toujours être le même principe. Quelle équipe commence eux. Ok. Eh ben, ouais. Vous devez donner le plus. De, je donne la main. Genre. Non, Jacques-Louis devant donner. Julien, Julien, je passe la main. Attends, ça va bien nous réveiller. Ça va m'énerver. En gros, vous devez trouver le plus de noms de films avec un animal dedans. Un animal. C'est un tour du beurre là ou c'est le thème? Non, c'est le thème. Ah, ok. C'est parti. C'est parti là? Ouais, c'est parti. On donne un et quand on a donné un, c'est à l'équipe d'en face d'en donner un. Et si tu ne vous trouvez pas au bout de 10 secondes, eh ben, ça passe à l'autre équipe. Okay. Et... Est-ce que vous êtes prêts? Parce que je vais démarrer vraiment maintenant. Je suis prêt. C'est parti. Okay. Babe. Noah. Le Seigneur ouais. Des Anneaux. Hein? Ah ouais, il faut qu'on parle chacun. Le Seigneur des Anneaux. Ouais, le Seigneur des Anneaux. Mais non. Mais si, il y a des lapins. Il y a des chevaux. D'accord, ils n'ont pas compris. Il y a un nom d'animal dans le titre. Dans le titre. Avec des animaux. Ouais, non, mais là, c'est trop facile. Est-ce que Stitch est considéré comme un animal? Non. Vous êtes prêts? Bon, c'est parti. On vous recommence. Ben, Babe, je recommence. Crododendy. Oui. Oh, bien joué. On l'avait marqué. C'est à vous, hein. Allez. Ça enchaîne. Ah, c'est à nous. Les chèvres du Patagone. D'accord. Crododendy 2. Non, ça, par contre, on n'accepte pas. Est-ce que ça fonctionne? On accepte pas. Est-ce que ça fonctionne la ferme des animaux, du coup? Non. Non, mais c'est trop général, ça. Il vous reste 5 secondes. Le chien de Baskerville. Kangourou Jack. Skippy le kangourou. Le roi lion. Le roi lion. Non, bah non, le Roi Lion 2, j'ai le droit ou pas? Non, non. Ah, Flipper le dauphin. Flipper le dauphin. Oui. Ouais. Bien. Kung Fu Panda. Ouais. Beethoven, le chien. Non, mais c'est un nom de compositeur à la base. C'est pas un animal. Tu il pas vous reste Beethoven. 6 secondes. Ouais. Scooby-Doo. Mais non, mais ça aussi, c'est un nom. C'est ouais. Pas un. Ah. La marche de l'empereur. C'est pas un animal. Oh, si, c'est des manchots empereurs. Oui, mais c'est pas écrit la marche du manchot empereur. Oh, c'est méchant! Il nous reste 4 secondes. Souris, il faut se bouger là. Bah, la souris, le film La souris. Oui. Le film pour enfants. Ouais, la mouche. Polly le perroquet. Oh l'enculé. Il en reste beaucoup. Hein. Il y a des animaux plus simples. Stuart Little. Mais c'est un nom! C'est un nom, ça compte pas! C'est un nom. Mais je pensais à lui! Dumbo l'éléphant. Ouais, Dumbo l'éléphant. C'est pas Dumbo l'éléphant le titre, c'est Dumbo. Happy Feet. Non, mais y a pas. Mais tu connais un animal qui s'appelle Happy ou Feet? Eh, je vous laisse une dernière chance. Mais là, Volt le chien. Si le chien Star. C'est le Volt, un héros malgré lui, donc non. Ou un truc du genre. Non, c'est. C'est un peu des enculeurs de mouche. Hein. Ouais, déjà la mouche ça marche pas parce que c'est pas un animal, ok. Oh, bah, ça par contre on laisse passer parce qu'ils sont trop mauvais. Mais en vrai il y en a beaucoup. Moi j'avais Dragon. Les lapins crétins. J'avais Dragon. Il n'y a pas de film, ta gueule. Si, il y a un film. Il y a un film. Un film. Il y a un film, c'est un téléfilm pour les enfants. Ah oui, c'est une série animée. Ça marche. Non, il y a eu Rayman et les lapins crétins. Bah, ouais, le jeu. Non, non, on parle de la série animée, les lapins crétins. On est tous d'accord. Ouais, il y en a 10 000. Allez, on enchaîne. Bambi. Ah, mais putain. Fourmise. Il faut dire le nom de l'animal dans le titre. Fourmise. Je suis mal On l'accepte. Le petit dinosaure. C'est pas un animal. Si, c'est un animal, un dinosaure. Ça, ça passe. Pas des bon, bah, fourmis, du coup. Non, mais je l'ai dit. Oh, mais il y a fourmis dedans. Ouais, bon, ah, allez, on accepte. Hein. Ouais, ouais. Ça, c'est un dessin animé, c'est pas un film. Victor vient de débarquer. Ça, c'était un dessin animé de mon enfance que j'adorais. Mais... Ah oui. Bon, allez. Tu joues non, c'est à nous, là. Oui. La pieuvre magique. Non, mais ça, par contre. Le clairon et le cygne, c'est un vrai film lui, qui existe. Déter, là, il a l'homme araignée. Le royaume des chats, le château des singes. Voilà. Oh putain, le château des singes. Des singes. L'armée des voilà, singes. La planète des singes. On a fait les singes. Imaginez un zoo et vous avez trouvé des films. Zoolander. Non, mais il y a zoo dedans. Ça mais ça marche pas. tu connais les pingouins de Madagascar. Les pingouins de Madagascar. Oui, oui, ça passe. Shaun le mouton. Oui, ça passe. Moi j'en ai avec j'en des un poules. Autre après. Chicken Run. Oui. Bah, j'allais dire Chicken Run, t'es méchant. Il y en a un autre. Reservoir Dog. C'est pas vous. Vous Reservoir Dog. À vous. Ah bah, hey, c'est amour pas leur. Chienne, amour chienne. Ouais, oui. Un éléphant, ça trompe énormément. Ouais. Éléphant. Ouais, éléphant, allez. Ouais, éléphant. Man. Bon, allez, oui. Je sais pas. Passe. Je passe la main. Allez, Zoé, on t'entend pas beaucoup. Comment mettre la pression? Allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez. Les animaux. Il y en a 15 000 là. Moi j'en ai un. Hitchcock. J'en ai un, c'est bon. Moi j'en ai un. Mais les animaux fantastiques, le nouveau Harry Potter. Ouais, mais c'est pas un nom d'animal. J'en ai un. Oh, bah, c'est animal. C'est pas vous. J'en ai un. Mais vas-y, bah, non, c'est pas ton tour. Mais bon, l'homme puma. Oui. Oui, voilà. Frère des ours. Le jaguar. Oui. Ant-Man. Oui. Le guépard. Ant-Man, on l'accepte, mais. Ça vous. Ant-Man. Vous l'avez déjà dit. Et après, elle a dit le guépard. Mais non, j'ai dit, il a dit le guépard et ensuite. Non, c'est le jaguar déjà. Non, il a dit jaguar. Danny Trejo de jaguar. T'as dit quoi? La panthère rose. Ça passe. Chien des neiges. C'est un film Disney sur un mec qui fait des courses en traîneau. J'y crois pas. Croc-Blanc du coup. Non, c'est pas un nom d'animal. Et t'as toujours pas compris. J'en ai un, l'homme qui murmurait à l'oreille des chevaux. Oui. Tambouille de chat. C'est hyper le chat du rabbin. Oui, voilà, ouais, c'est hyper long, 10 secondes. Là, on a complètement arrêté, mais il a fallu que je vous explique. Non, c'est quand vous hésitez vraiment, c'est fini. C'est un film. Ah ouais, si, il est bien. Regarde ça, par exemple. Là, c'est deux là. Avec des chiens. Putain. Nemo le poisson clown. Non, c'est Nemo tout court. C'est Nemo tout court. C'est quel curieux. Un truc avec Fish. Big Fish. Voilà. Ah, j'en ai un. Vas-y. Il y en a plein. Un poisson nommé Vanda. Bien. Oui, je connais pas. J'ai l'impression que cette équipe-là va être plus en difficulté. Python, mec. Eve le poisson à dents. Ça existe pas. Si. Noah. Ah merde, c'est vrai. Putain. Non, ça, c'est un chanteur. moi, j'en avais un, c'était Danse avec les loups. Ouais. Ouais. Un autre truc avec des loups. Non, mais. Loup. Fils de loup. Loup. Le pacte des loups. Le pacte des loups. Le pacte des loups, ils font des kung fu. Le film. Il y en a un plus récent. Le loup de Wall Street. Voilà. Loup, le film. Ouais, mais c'est pas ça. Il y a un Dream Eagle dedans. Pensez film cul, pensez Hitchcock. Les oiseaux. Ouais. Ah, c'était à eux, de toute façon, c'est à vous. Bah, j'en ai pas. Il y a un moment, il a dit Ant-Man, je pensais que vous alliez tous réagir, on allait faire plein de trucs, mais bon. Hulkman. Non, pas récent encore. Spider-Man. On a parlé des autres. Ouais, Spider-Man. Bah, il y en a d'autres. Chacun cherche son chat. Batman. Ouais, voilà, par exemple. Non, mais c'est pas à vous. Batman. Oui, il y a plus de tour là, c'est n'importe quoi. Non, mais je continue à voir. Non, ça comptait que ce que j'ai dit ou pas. T'as dit quoi? Chacun cherche son chat. Ah, j'avais pas entendu. Mais du comme coup... chien et chat. Oui. Oui. Ah putain, j'adore ce film. Est-ce qu'on arrive au bout? Il y en a encore plein, mais bon. Ouais, on s'arrête là. Il y avait Vol au-dessus d'un nid de coucou. Oui, ouais. Allez, on essaye. Chien jaune de Mongolie. Ah, exact, ouais, chien jaune de Mongolie. Ah oui. Oui. Fantastique Mr. Fox. Un film avec Chuck Norris. Ça, on aime bien. Chuck Norris. Lequel? Un film avec Chuck Norris. L'homme du président. Non, ça, c'est. C'est un animal. C'est l'homme. Oh, ça, c'est philosophie. Philosophie, personne m'a suivi. Bon, on s'arrête là pour cette partie du truc, non? Ouais. Avec des super-héros, ah oui. Il y avait Catwoman aussi. Il y avait Birdman. Il y avait Roger Rabbit. La féline, ça compte ou pas? Il y avait tigre et dragon. Ah oui. Donjon et dragon. Il y avait gang de requins. Wolfgang de requins. Une chatte sur un toit, Bruno. Ah oui, j'y avais pensé aussi. Ah ouais, gang de requins. Le chien d'Alou. Ah, mais je l'ai déjà dit, merci. The Lobster, il n'y a pas longtemps. Ah. El Topo. Et voilà, c'est Gromit, le mystère du lapin garou. C'est la taupe. Bah quoi. En plus, la réponse de ouais, c'est Gromit, c'est, elle était juste là. Trouver Omar et taupe dans un titre. Les frères. Allez. Allez. Prochaine épreuve. Bon, bah là, on intercale avec. Je te permets de présenter. Un mini débat, une intercalation entre plusieurs jeux. Arrête ton chrono, il ne sert plus à rien. On part sur un débat de 2 minutes. Ok. Sur bière et vin. Et bière ou vin. Non, bière, vin, pardon. C'est pas pareil. Et balancez le plus d'arguments possible, vous avez 2 minutes. La bière parce que c'est pas cher. Pas cher. Le vin parce que c'est classe. La bière parce qu'il y en a plein. Le vin, il y en a encore plus, je pense. Ouais, mais la bière, c'est multi pays. Mais le vin aussi. Ouais, aussi. Ouais, mais y a des bulles, le vin, c'est la classe à la française. La gastronomie. La bière, c'est commun. La bière, c'est le truc des gros pochetrons, là, les vieux ouvriers, alors que le vin, c'est un peu. Tu vois, il n'y a pas le vin en pochoir. Il y a l'Oktoberfest. Il y a Bordeaux, fête le vin. Moi, j'ai un argument contre le vin, par contre, c'est la villageoise. Argument accepté, la pudique bière, la Cronenbourg. Ce n'est pas une bière. Oh. La bière nourrie. Le vin aussi. Le vin est le sang du Christ. Oh. J'enlève 50 points à cette équipe. La bière, c'est l'or des moines. Okay. La bière, c'est l'or des moines, ok. Ouais, mais c'est le sang du Christ. Le partisan des moines. C'est pas des Chinois, mais c'est des moines et des prêtres qui font la bière. Ça, c'est pas prouvé. Hein. Si. Bah, c'est bon, c'est eux qui font les machines dans l'usine. C'est fait dans des abbayes. Ça fait travailler. C'est fait dans des châteaux. C'est des produits Made in France, monsieur. Nous, on crée plus d'emplois pour les vendanges et tout. La bière, c'est cool et c'est pas hipster. Ouais, et le vin. Ah, quoi? Tu sais le nombre de bars à bière qui ouvrent partout en France? Et la bière, et la bière, et la bière. Les vins, c'est pour les bourgeois. Non. Au moins, quand on fait un vin d'honneur, c'est plus sympa qu'une mise en bière. Oh! Allez, on s'arrête là-dessus. C'est très joli. Tu peux dropper le mic. Yeah, Mathias! On passe à un jeu rigolo. Encore plus rigolo que celui-là. Ouais. Encore plus marrant. Mais on atteint des niveaux de fun, mais là je sais plus le phonomètre où il est là, tellement c'est. Ah, t'as plus besoin de phonomètre là. Comment c'est devenu fun dès qu'on s'est mis sous le fun. C'est génial. Alors, je te laisse expliquer le principe vu que alors, c'est toi qui as trouvé. Comme vous le savez, les Québécois ils aiment beaucoup tout franciser. J'adore les. Et enfin, ils aiment pas avoir des titres anglais pour leurs films. Ils veulent absolument traduire tous leurs titres. Est-ce qu'il faut trouver tous les titres? Et bah là, je vais vous donner les titres québécois et vous allez devoir trouver quel titre. Ok, ça. Allez, Victor, il est avec nous. On en dit un chacun. Avec qui nous? Je laisse le premier. Avec Zoé. Ah oui. T'inquiète. On doit lever la main ou on crie? C'est le plus rapide. Moi, je m'en bats les couilles, faites ce que vous voulez. Ouais, je vais gérer. J'aime ça. L'enfant lumière. The Son of Light. Non. Non. Bah non, c'est l'enfant lumière. Celui-là, il est vraiment. Il est dur, lui. L'enfant lumière. Fallait le garder pour la Star Wars. Non. Est-ce que je donne des indices sur Flash Gordon? Attends, mais déjà on les laisse chercher, c'est rigolo. Alors il y en a qui sont Lake genre littéral et non, mais ils vont chercher trop littéral. Lui, ça se passe perché. Dans un hôtel. Ah, Shining. Ouais. Oh, putain, c'était peut-être un trop gros indice. Ouais, ça aurait dû durer. Le jeu en fait là. Alors, ça va être peut-être être rapide. Ça va être une question de rapidité. Alors, il s'appelle Fiction pulpeuse. Pulp Fiction. Voilà. Est-ce qu'on peut s'arrêter à moi pour débattre de ce titre? Non. Celui-là aussi, il est pas mal. C'est Danse lascive. Dirty Dancing. Non, exact. Ah, oui. Ah, il est bon, mon poulain. Oh là là. Ils vont nous niquer le jeu, là. Les bagnoles. Les quoi? Cars. Ah, vous êtes trop fort, ça m'énerve. Alors, celui-là, par contre, vous l'aurez jamais. Bah, peut-être que si, mais alors ça m'étonne. Folie de graduation. American Pie. Putain, mais oh en fait, tu oh vous êtes prêts? Bon, celle-là, c'est. Il a du tu es Bill. Quoi. Kill Bill. Ah, bah, oui, non. Forcément. Volume 1 et volume 2. Bah, là, après, on tombe sur certains qui sont assez faciles. Film de peur. Scary Movie. Ouais. C'est qui skiffe Burrico, là. Ouais. Hein. Là de toute façon, on compte pas les points, on se bat les couilles. En fait, ils vont nous niquer notre jeu. Ils sont trop forts. Le seum, hein. Ouais, non, c'est bon. Frisson. Frightening. Non. Ah. Scream. Oui. Oh. Mais qu'il est fort. Oh. Ah là là, il y en a, ils sont très... Détestable moi. Moi moche et méchant. Moi j'avais Despicable me. Despicable me. Facile lui aussi. Rapide et dangereux. Fast and Furious. Hey. Ah c'est chaud, taquet là. Enchaîné avec un jungle speed. Mais t'as dormi, toi, mec, t'as dormi, attends. Celui-là, il a aucun sens, sans froid. Si, un peu. Quoi? Sans froid? Vertigo? Non, putain, je sais. Limitless? Non. Non. Amélie Poulain? Non. Non. Arrête de dire de la merde. Amélie Poulain, l'acteur. Non, c'est trop facile. Star Wars. Et c'est déjà un indice qu'on dise que ça soit trop facile. Day Hard? Non. Non. Non, c'est mourir avec une vengeance. Non, c'est trop facile. Non, mais on sans peut rien froid. Donner. Attends, si je peux sans donner. Froid. Il joue du fait qu'on voit pas vraiment d'expression sur son visage. Ça joue avec le donc côté sans froid. Il est de sans froid. Fight Club, titre, non, rien à voir. Mais Vraiment, c'est même un défaut qu'on pourrait lui donner par moment. Ah, Drive. Oui. Ouais. Ah oh, putain. Lui, je trouve que le titre, il est voiture. Il est beau. Moi, je l'aurais appelé Conduite, ce film. On aurait compris. Néon. Alors, le commandant des bâtards. Le commando. Inglourious Basterds. Inglourious. Plus rapide par là cette fois. Dans ta ils se sont fait devancer. Celui-là, il... Betelgeuse. Beetlejuice. Ensuite. C'était quoi le titre? Voyage au centre de la mémoire. Inception. Non. Aucun des deux. Total Recall. Ouais. Oui. Oh, pas mal. Lui, il est facile mais drôle. Le Pouilleux Millionnaire. Slumdog Millionnaire. Ouais. J'ai hâte de voir le Pouilleux Millionnaire. Hein. Quel bon film. Génération Extrême. Extreme. Là, il est pas facile à trouver. Non. Triple X. En fait, c'est pas Sex Intention ou un truc comme ça. Non. Triple X. Non. À Vin Diesel. Je donnerai un indice si vraiment. Non, tu donnes pas d'indice. Bah ouais, mais non, cherche un peu. Foot de rue. Oui. Ouais, le extrême. Titre n'a plus aucun rapport avec le film. Alex Rider. Bah si, mais bon, ça part trop loin quoi. Non. Bon, un indice. Bah le X. Trottoir. Ça se tourne. Ouais. Non. Ouais. Wow. Le réalisateur a trouvé, c'est American History X. Bien joué. Bien joué, Empereur. Bien joué, l'Empereur. C'est à toi. Comme. Les pouvoirs. Ça fait comme un taureau sauvage. Oh, Like a Buffalo. Non. Raging Bull. Ouais. Ah putain, vas-y, casse-le. Non, lui, c'est pas un bon film. Ferrovipat. De quoi? Ferrovipat. Ferrovipat. Mille et une patte. Mille et une patte. Non, c'est Human Centipede. Non. Arak Attack. C'est pas patte dans le sens de blablabla. Enfin, patte. Arak Attack. Oui, il y a Scarlett Johansson dedans. Mais c'est Un indice. Ils sont partis trop loin. Parce que... Bah, chercher un peu, mais. C'est quoi de. Ferrovipat. C'est tout collé. Ferroviaire. Ferrovipat. Oh, c'est. Le terminal avec Tom Hanks. Non. Code. Quoi le... Non. Source code. Non. Oui, c'est ça, source code. Le trans. Le Pôle Express. Non. Le Pôle Express. Non, le film qui se passe dans un train qui traverse la le transpersonnel. C'est le transperceur, c'est pas ça. Et je croyais que c'est ça, il était genre oui, oui. Non, mais parce qu'il y avait le un début. Express. C'est le train. Trainspotting. Ouais. Oh putain. J'allais dire toilette pour le. Il est chaud. C'est non, c'est vrai. Les patrouilleurs de l'espace. Starship Troopers. Exact. Lui est facile aussi après. Poulet en fuite. Chicken Run. Ah merde. Et je peux m'avancer le micro. Et bah tu te mets à côté. Parce que là il faut être au taquet. Une vie de bestiole. Mille et une pattes. Putain, parce que le titre en VO c'est Bugs Life. Waouh. C'est un atroce. Oh lui il est joli. L'amour est un pouvoir sacré. La passion du Christ. Non. Magic in the Moonlight. Non. Non. L'amour est un pouvoir. Love Actually. Non. Love Story. Crazy in Love. Non. Non, ça c'est une chanson de Beyoncé. Crazy Stupid Love. Ouais. Un indice, ça n'a rien à voir. Sergent Pepper. J'ai besoin de donner un indice. Non. Attends. Ah, l'amour est un pouvoir sacré. Je suis impatient. Spider-Man. L'amour est un pouvoir sacré. Interstellar, j'allais le dire. Mais pouvoir c'est de la meuf. Interstellar, c'est vraiment le sujet. Ouais. En vrai, au Québec, c'est Interstellar, donc c'est pas beau. Mais voilà. Interstellar. Gravity. Est-ce que ça reste dans l'espace? L'amour est quoi? Est-ce qu'il y a love dans le titre? Non, mais il n'y a aucun des mots que tu retrouves dans le titre. Donc, est-ce qu'on peut avoir l'acteur de c'est pas une traduction littérale. J'ai pas vu le film, en fait. Ah, vous savez que. Ouais, en fait. Toi, tu dois connaître. Bah, moi, l'indice que je dis, c'est que ça se passe soit en Irlande, soit en Écosse. La leçon de piano? Je crois que c'est en Écosse. Non. Au nom du père. Non plus. Non. Ah, le gars qui a fait Au nom du père, on l'a vu. C'est Jim Sheridan. Ah, c'est vrai, ouais. Le nom du réalisateur est composé. Il est compositeur. Café de Flore. New York 1997. Ah, c'est... Faut un peu plus les orienter. C'est un Lars von Trier. Non. Nymphomaniaque. Non. Non, L'amour est un pouvoir sacré. Mais peut-être que vous l'avez pas vu, c'est pas non plus. Antéchrist. Non. Dogville. C'est non, dans cette trilogie. Non, le deuxième alors. Le deuxième. Ouais. Le truc des... The Crime là. Non, ça c'est les premiers. Truc Turn là, non. Quoi? Bon, Wrong Turn. Ah, ah non, ça, le c'est deuxième là où avec les esclaves. Non, non, non, c'est pas cette trilogie justement. Ouais. Ah oui, merde. Mélancolie. C'est Karate Kid. Ah putain. Grave, la Wrong Turn. Chaussures à l'envers là. Non, ça a déjà été dit, Antichrist. Ah oui. Qui? C'est moi? Ah, ça veut dire, c'est un stage. C'est pas grave, il est sur un message. Je le donne alors. Bah oui, donne par ici. Merci. Breaking the Waves. Bah je connaissais pas. L'amour est un pouvoir sacré. Non, j'ai pas vu. Je crois que c'est de Lars von Trier, ils nous l'ont. De quoi c'est Oui. L'inconnu de Las Vegas. Le truc avec Johnny Depp là. Las Vegas Parano. Absolument pas. Ocean's Eleven. Ouais, Ocean's Eleven. Mais parce que c'est le nom français de la première celui-là, version. Celui-là, je sais même pas si c'est un mot qui existe. Parallépipède. Si, moi je crois que je connais ça. Clanche. Clanche. Avec. C'est des Québécois. Oh. Clanche. Un point de suspension derrière. Clanche. C'est pas fame. Clanche. Avec un point d'exclamation. Clanche. Clanche. Clanche, ça veut dire quoi? J'en sais rien. Vous avez pas regardé? Clanche, là. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Qu'est-ce que tu jases, là? Oh, mais lui. Bon, allez, je le donne parce que je la trouverai jamais, c'est speed. Bah, ça veut dire rapide, je pense. Là. Vous voyez? Ou vous savez qu'il y avait un speed 2? Oui. Avec c'est un bateau. Ouais. Ils ont enlevé tout le truc dangereux. Parler, ouais. C'est-à-dire que c'est dans la mer. Donc tu peux sauter et le bateau, il explose. Agent secret 006. James Bond. Non. Et on dirait une parodie porno. C'est la parodie de... Leslie Nielsen, là. C'est pas ça? Ah non, c'est Johnny English. Non. Damn. Mais c'est dans le même connu, move. Hein. Putain, je vois. Pas Andy Warhol, mais ça ressemble à ça. Max la menace. Non plus. Non, ça c'est... Max la menace. Oui. Avec Steve. C'était quoi Austin Powers 2. Bah ouais, donc ils ont fait un jeu de mots à base de jeux de mots de films porno, mais voilà. Bah ils sont marrants. C'est des petits rigolards. Alors, marche ou crève. Die Hard. Ouais. Putain. Un ciel couleur vanille. Vanilla Sky. Oui. C'est moi d'abord là. Marie a un je ne sais quoi. Marie à tout prix. Ouais. Rock and None. Sister Act. Ouais. Bon, désolé, cette équipe-là domine. Mais c'est balèze. Vous êtes des balèzes. On peut dire que c'est... Je crois que j'ai gagné, là. Attends. Raphaël, il a dormi 3 heures au moins. Ouais, putain, nous, on n'a pas dormi. Ouais, j'ai bien dormi. Bon, du coup, tu présentes ça pendant que j'essaie de brancher. Vous avez cassé le... J'ai cassé le jeu, quoi. J'ai gagné, là. Ouais. Oui. On a plus de jeu. Chouette. Non, c'est pas bien. Il y a encore un débat de 2 minutes. Un autre petit débat. L'ordi de Pierre. Pendant qu'il fait le truc, c'est que tu montres aussi qu'est-ce que vous des pensez trucs à faire, de, est-ce qu'on a encore une de l'omniprésence du cinéma américain sur la diffusion mondiale. Ça permet de financer les films français. Et oui. D'accord. Ouais, maintenant, c'est on est obligé d'avoir plus de 50% des films américains dans les salles. Ça marche bien. Merci, le CNC. Donc, pour vous, c'est tout bénef. Bien. C'est bénef. On a un cinéma étranger chez nous. Malheureusement, il y a beaucoup de merde, mais il y a aussi beaucoup de choses. Parce que tu nous as pas parlé de pourquoi le cinéma américain il est nul, c'est pourquoi on a le cinéma américain en masse en France. Parce que je préfère avoir du cinéma américain que du cinéma français. Surtout si c'est pour voir Aladdin. Yalla. Et Astérix. Non, mais franchement, limite, Astérix il a tellement marché que c'est une erreur dans le cinéma français que le film soit bon. Le 2. Lequel du cinéma américain? Lequel? Le Cléopâtre. Mais il est bien, Cléopâtre. Oui, mais il est tellement bien, il a tellement marché que c'est une erreur, tu vois, que c'est incompatible le fait que ça marche bien que ce soit. Pourquoi ça passe plus là? Ah, Pierre Ponce. Mais Pierre, qu'est-ce que t'as fait avec ta chaise? Bon. C'est parce que Pierre Ponce il joue à la statue. Non, mais il me montre un truc sur la main. C'était bizarre. Ah non, c'est qu'on a dit lesquels. En fait, pendant le live. Dès qu'ils ont fini leur truc. Non, on a l'air de gros cons. Mais ils sont en train de regarder. Mais le cinéma américain, je sais pas. Ça permet de financer des autres films et. Enfin, c'est simple. Ça permet pour de faire gens. Plein de trucs sympas et ça fait un brassage des cultures. Ouais. Non, mais regarde, parce que les réalisateurs français et même les acteurs français, ils se barrent aux États-Unis, c'est pas pour rien. Genre Omar Sy. Omar Sy, non, beaucoup. Un très bon exemple. Omar Sy de rien. Non, ça j'accepte pas. Omar Sy, Rano de Bergerac. Ça j'aime bien. Est-ce que on peut Omar Sy musical. Oui. On continue. Omar Sy à métaux. On va essayer du coup. Alors, s'il vous reste quand même 25 minutes. Omar Sy, Sigourney Weaver. Et alors? Bah alors, c'est au cas où. Est-ce que ça moi je propose 25 minutes de van sur Omar Sy. Omar Sy. Est-ce que ça, on peut dire Omar Sy gagne? Oh. Omar Sy gagne. Omar Sy si la famille. Allez, hop. Omar Sy si la famille. C'est un blind test musical de musique de film. Yes. Putain, je suis chaud. C'est trop les jeux que j'aime. J'ai pas pris les musiques de film qu'il y avait dans les films. J'ai pris des remixes pourris, ah, des covers. Genre des remixes techno et tout. Ouais. Ah yes. J'espère qu'il y aura Pirates des Caraïbes. Les visiteurs. Ah, bah, non, bon, ok. On espère rien du tout. On écoute, c'est tout. Écoute avec les oreilles de ta tête, comme dirait KD Olivier. C'est cassé. Ah, c'est parti. Est-ce qu'on entend ? Non. Là, c'est sur iTunes. C'est ouvert avec iTunes. Bisous. Salut. Lina s'en va. Lina s'en va. Essaye de l'ouvrir avec VLC. Vas-y. Il faut plutôt que je l'ouvre juste avec VLC. Du coup, je m'en vais parce que j'ai des trucs à faire. Un échec. Mais je... C'est... Entre autres, pour être dans une maison de retraite. Mais voilà. Pourrais, un grand merci à... Bah, je vais descendre. Je vais descendre là. Okay. Et, du coup, je voulais juste dire merci aux savoureux pour organiser ça. De parce rien, que c'est un plaisir. C'était une super vie. Enfin, c'était trop cool. Il a dit quoi? Il y a un gazou dans l'oreille. C'est pas vrai, mais c'est... C'est le bah, je disais merci. C'est lancé tout seul, désolé. Merci à vous, j'espère que ça se refera et je serai présente quoi. Allez. Merci beaucoup. Allez, au merci de rien. Au merci, au revoir. Bonne journée à toi. Allez, et n'oublie pas ton ticket de caisse. Ok, on écoute le premier son. J'ai entendu le premier son du coup. Allez, on y va. Vas-y. Un peu hypé maintenant. Vas-y. Ah. Indiana Jones. Je propose qu'on s'arrête et qu'on écoute. Bon, est-ce que tu peux monter un peu le son, ouais, s'il te plaît, ouais. C'est un enfant de 5 ans. Ça va. Il fait ça avec son aisselle. Quoi? On dirait qu'il fait ça avec son aisselle. Non. En vrai, il est posé par terre, il avait un peu son casou, et puis il est comme ça, il s'en va. Très bien. C'est mignon. C'est pas bien de se moquer des handicapés, hein. C'est Téléthon aujourd'hui. J'ai Jacques. Pour toi, les enfants, c'est des handicapés. Ok, le débat est lancé. Next. Pierre des Caraïbes. Ça me rappelle quelque chose. C'est les violons. C'est en quel dialecte? Tout le monde a les images en tête. C'est un russe qui danse à poil. Ah, c'est lui qui danse à poil. Voilà. Ah, ouais, la vidéo est trop bien. J'ai pas entendu. Allez. Breaking Bad. Breaking Bad. Mais attendez, mais laissez-moi écouter. Mais la suivante, vas-y. Ocean of memories. Ouais. Titanic. Est-ce qu'on peut écouter un petit extrait? Attendez, mais j'entends pas. Ah si. Qu'on fasse musique un peu parce que ça va partir. Ah, il y a de la techno. Il y a de la techno. Peut-être. Ils sont arrivés. On entend Céline Dion là. Est-ce qu'ils vont drop the bass un peu là? Oh merde. Oh yes. Trop bien. On se fait. Allez. Comment on s'est réveillé par rapport à tout à l'heure? Lourd instrumental. Il y a toujours personne avec nous. Si, il y a un deuxième visionnage. Comment? Ah. Don Vito, baciamo le mani. Salute. E fa un nostro piacere. Pensate che io non mosco. E domanda agli amici tuoi in tasto vicinato che sogno io. ma lo possono dire che è stato cambiare un favore. Sa bene Rick. Sì, è sa bene lì. Allez, monsieur Tambourin, là. Vediamo Vito Corleone. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Qu'est-ce que c'est que cette mascarade? Préparez-vous mentalement. Ouais, mais ça me dérange pas, je trouve ça bien. C'est un peu la représentation du bon goût. Du bon goût, pardon. Ça donne envie de voir des boîtes de cut. Le parrain! Ouais! Oh la vache! C'est pas possible! Je n'y attendais pas! Ouais, y'a Guigui! Moi je l'avais deviné dès le début de la musique. Ah, parce qu'il parlait italien, on aurait pu être sur la piste. Tu peux baisser un tout petit peu la musique, Pierre, s'il te plaît? Parce que c'est très fort dans mon oreille. Game of Thrones. En plus, c'est un mec qui fait des claquettes en même temps. C'est quoi dans le En fait, c'est une meuf, elle joue mal de la flûte. Tape sur une poubelle. C'est l'orchestre de la chef. Je pense qu'il y a un peu de second degré derrière parce que mettre ça sur YouTube comme ça, on va reconnaître. Bah regarde ce qu'on est en train de mettre sur YouTube. Ouais, j'ai vu. Allez, suivant. Ça, c'est pas vraiment la musique du film. Are you an angel? So you two, dig up dinosaur. Jurassic Park. Ouais. Putain. Mais faut laisser parce qu'en fait c'est un remix du rire de Jeff Goldblum. Putain, ça goûte ton rire. On peut faire un son là-dessus. Mathieu, s'il est mort. Prends le rire de Christophe Lambert et on fait. Et il y a des dinosaures dans votre parc à dinosaures. ASMR. Tu sens la vieille caméra. C'est Matrix. En fait, elle posait sa caméra. Le Star Wars. Ouais. Putain. La cantina. Voilà. Quel est le nom du groupe? Batman, Gotham, ici c'est Gotham City, ici c'est Gotham, Batmobile, ici, Batmobile, ici. Allez, les Batrappeurs, on passe à autre chose. Les Batrappeurs. Dis la réponse dans le micro. Tron. Hotline de Miami. L'arrêt des neiges. Putain. C'est trop le cul, genre. Surprise. Elle est partout, cette salope. Pardon. C'est pas Non, je l'aime pas, je la déteste. Parce qu'elle est moche. C'est gratuit, c'est un peu, non? C'est un personnage fictif, c'est pas grave. Non. Ah, Requiem for a Dream. Oui. Oh là là. Celui-là, c'est un bon. Lui, c'est pas du dubstep, c'est du metal. Je l'ai toujours pas vu, ce film. Bah, il est très bien. Bah, je sais, mais. Pour un ado. Bon, bah, je le verrai pas, là. De toute façon, la musique d'AMV, là. Putain, on aurait dû faire un débat AMV. Bah, 9h. 9h, y'a rien. Ah. Il vous reste un quart d'heure, les loulous. Ouais. Les loulous. Ah. Il a manu. Il nous en reste quelques-uns pour le quiz musical. Yes. Un petit peu au milieu, parce que sinon. Rémi Jacob. Avec MC Solar dessus. Oh. Ah oui, c'était pour la comédie musicale qu'ils avaient fait là. Je dois quitter les décors de ma villa Big Apple, quitter les tours et le people de ce long maxi puzzle. Les taxis sont jaunes et les klaxons sont le jingle de la vie, de la ville, de la faune, de la véritable urban jungle. Ouais, sois pas méchant. C'est la violence. Comble un peu là, Elliot. C'est la violence. En plus. Du coup, débat. Je me fais absolument pas respecter. AMV pour ou contre? Bah, moi je suis pour. Faut vraiment être. Attendez, ça je connais. Le Seigneur d'Anneaux. Oui. Ah oui, bah oui. On fait un beau tandem. Vous devriez faire un tour de France. Inscrivez-vous en championnat. Ah, on se prendra les pieds dans les pédales. Hein. Pour deux grosses pédales comme vous. Oh. Ghostbusters. Ouais. Mais t'es imprenable, c'est incroyable. Il y a deux notes. Bah tu. Ah ouais, c'est vrai après. Là, ça part en live après. Ça va Guillaume? Ça doit être sympa à regarder comme ça. Oui, parce qu'on a un petit peu sur le plateau. Pourquoi j'ai pas les écrits? Jamais. Lourd instrumental. Lourd. Lourd. Lourd. Léger. Léger. Relou. Je dois combler. Fantomas. Ça va? Harry Potter. Ouais. Ça fait des musiques très Daniel Fanesque comme ça. Bah non, mais j'ai tout fait. C'est vrai? Ben on en invente une. Les gars, moi je vous dis bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit. Bah, dors bien. À lundi, comme on dit. Allez, à lundi. Une nuit black à lundi, on sera comme. Bah les gars, bonne nuit à tous, bonne matinée. J'espère que ça vous a plu et ciao bambino. Ciao. Bambino. Wow. Alors on prend lesquels du coup? Bah Guillaume, tu peux peut-être venir avec. Et Raphaël, j'ai pas l'impression qu'il ait besoin d'une équipe. On part sur un troisième mini débat. Ça part sur un mini débat. Ça va être un fight entre surtout deux personnes. Squeezie. On peut faire Squeezie. Alors Squeezie si ou Cyprien. Squeezie. Ouais, bah du coup, dégage. La réponse était ne pas répondre. Ouais, c'est ça. La mauvaise idée, c'est de marcher sur le lit, en fait. Ouais. Ouais, faut pas marcher sur le lit, en fait. Les lettres, ouais. Voilà, comme ce que tu viens de faire. Il va falloir remettre tes lattes avant de partir. Bah ouais, j'en ai déjà remis deux, moi. J'ai 20 minutes à le faire. Bah parce que Guillaume, tu as des grands genre eux, ils pourraient se décaler tous d'un cran. Oui. Je vois vraiment de quoi tu parles, mais je suis pas chaud. Non, mais tu peux, par contre, ouais. Et le casque. Bah, en fait, je changerai, de toute façon. Ouais, tout le monde passe son casque, tout le monde passe son micro. Et tout se passe bien. Quel petit problème. Ça partait. T'as vu ça? Je sais bien, j'ai réussi. Vous défendez des râles. Ah bah vas-y. Moi je suis carrément chaud pour faire une joute verbale avec Raph. Ok. Moi je propose, on choisit des réals de merde. Après c'est vous qui voyez. Ah bah il a complètement pété le lit, Guillaume. Le mec il arrive, il installe son gros cul. Et les autres peuvent aider la personne. Donc, très bien, très bien. Okay, choisissez. On peut se retourner. Choisissez votre team. On est avec quelqu'un. Bah vous pouvez aider à intervenir. Oui, mais est-ce qu'on peut après faire un contre-argument? Chacun oui. Un réalisateur et le défendre par rapport à l'autre. Oui. Faut que tu parles dans le micro, Elliot. Tu prends qui comme réal? J'avais encore oublié qu'on faisait une émission. Du coup, vous devez choisir un réal. On a droit de vous supporter et vous avez droit de descendre l'autre réal aussi. Si vous avez des okay. Michael Bay, s'il te plaît. Voilà. J'ai une lourde responsabilité. Moi, ouais, je vais prendre Uwe Boll. Ouais, bah, j'y ai pensé aussi. Prends Paul W.S. Anderson. Du coup, je pense que je vais prendre Paul W.S. Anderson. Ça, c'est très bien. C'est du bon choix. C'est très challenge là. De bons réa. Alors, qui commence le clash? Uwe Boll, en fait. Ben, il sait pas faire de cinéma parce qu'il fait de la boxe et du coup c'est un peu naze. C'est un mec très violent et il a aucune arme artistique. Ouais, enfin Paul W.S. Anderson plagie tous les films. Ouais, mais au moins lui, et ben il a conscience de ce qu'il fait. Uwe Boll, lui, pense que c'est du bon cinéma alors que Paul W.S. il sait que il prend juste ce qui marche. Mais c'est pas du tout vrai ça. Bah allez. C'est le manque d'argument là. Allez. On se rattrape. Bah attends. Paul W.S. Anderson, il plagie des films. Oui, je sais, j'ai déjà dit, mais au moins, Uwe Boll, il a une vraie patte artistique. Oui, c'est pour ça qu'il copie Evil Dead à la fin de ses films. Eh bien, au moins, il copie pas Matrix. Et alors, c'est bien Matrix, c'est connu de tout le monde. Ouais, enfin, justement. Paul W.S. Anderson, eh ben, il fait des films de zombies où il n'y a pas de zombies dedans, et ça, c'est super rare. Du coup, c'est un peu un genre à part dans le genre des zombies. Est-ce que vous pourriez me citer quelques films? Alors, Paul W.S. Anderson, c'est le... Il est connu pour avoir fait Resident Evil. Voilà, il chapeaute la saga Resident Evil, et il a fait le reboot de Death Race, qui s'appelle La course à la mort chez nous, avec Jason Statham. Il a fait Trois Mousquetaires aussi. Oui, il a fait en 3D. Il a fait Alien vs Predator aussi. Ah oui, il a fait et Alien vs Predator, il a fait. Voilà. Choisis les très bons projets. Et Uwe Boll, il a fait de la merde. House of the Dead. Et en fait, il aime bien adapter des jeux. Genre, il a adapté Far Cry, House of the Dead, Alone in the Dark, tout ça. Du lourd. Postal. Au moins, aussi. Uwe Boll, il respecte. Il écrit ses propres scénarios adaptés du jeu. Oui, Paul W.S. Anderson, il a un bureau d'auteur et il a fait un univers partagé Resident Evil avant que ce soit à la mode. Oh. Et Paul W.S. Un visionnaire. Uwe Boll, si tu critiques ses films, il te casse la gueule. Oui, et Paul W.S. Anderson. Parce qu'il est trop badass. Paul W.S. Anderson, il aime bien les ralentis. Uwe Boll, il aime bien les croix gammées. J'invente rien, c'est dans le... Et juste, en quoi c'est un argument défendable? Pourquoi c'est un argument défendable de la personne? Non, mais il n'a encore pas compris le jeu. C'est pour dire qu'il est un petit peu trop provocateur. Okay. Et que c'est quelqu'un d'engagé. On va s'arrêter sur les croix gammées parce que je pense que ça le fait clairement gagner. Et du coup, le dernier jeu... Il nous reste que 10 minutes. De toute façon, il nous reste 10 minutes. C'était un peu le jeu, on n'en était pas sûr. On va voir si ça prend ou pas. Chouette, encore un jeu. C'est le dernier. C'est un test par écrit. C'est un QCM. Non, là du coup, c'est un jeu où vous allez montrer votre créativité. Ah, faut créer un film. Alors en gros, on est des producteurs, on veut faire des remakes parce que les producteurs ils font que ça. Mmh. Et non, j'ai connu. On est encore plus intelligent que les autres producteurs. Et sauf que comme on n'a pas trop d'argent, on fait le remake de deux films en même temps. Du coup, faut que tu me trouves le film qui mélange les deux films. D'accord. Jurassic Wars. Et donc maintenant, vous me faites l'histoire de Django Gump. Alors c'est un mec, c'est un cow-boy et du coup un jour il en a un peu marre de sa vie de cow-boy et en fait il arrive comme ça dans une ville avec marre de sa vie de cow-boy et il voudrait attacher son cheval sauf qu'il fait pas attention et il y a un truc qui fait peur à son cheval il se barre. Il part en courant pour le rattraper et le rattrape parce qu'il se rend compte qu'en fait il a un nouveau talent, c'est qu'il court super vite. Un nouveau talent, genre il courait jamais avant quoi. Je pense que ça peut ouais, faire mais un très bon scénario. Là, il l'avait pas remarqué parce qu'il était concentré sur sa vie de cow-boy. Et là, il vient de le remarquer parce qu'il veut plus vivre cette vie de cow-boy. Du coup, il retourne chez lui, il vend toutes ses affaires, il s'achète une paire de Nike parce que c'est l'invention de la Nike aussi en même temps parce que les Martiens ont débarqué. Dans un western. Et il se met à courir, mais en cercle. Tout autour des États-Unis. J'aime bien l'idée. Mais, non, en spirale. Du coup, il part de chez lui, il fait le tour de sa maison, ensuite il fait le tour de sa ville. Etc. de son état. Et un jour, il arrive à la mer. Et là, il se dit, le monde ne sera jamais assez grand pour que je puisse courir autant que je veux. Okay. Du coup, il bute un dentiste qui passait par là. D'accord. Et il va pêcher des crevettes. C'est ça. Et il achète une boîte de chocolat. Et il se dit que, de toute manière, c'était comme la vie. Et il va retrouver sa petite copine qui est enfin libérée de l'esclavage. Délivrée. Pardon. Voilà, fin. Ça marche, c'est bien. Ça va être difficile de faire un truc parce que j'avais quand même quelque chose de vraiment pourri à côté. Je voulais juste dire que c'était un esclave noir assis sur un banc avec une boîte de chocolat. Bah, voilà. Fais-moi un film avec ça et je te l'achète. Mais il peut raconter cette histoire, mon histoire, à quelqu'un d'autre. Oui, tout à fait. Bah, c'est le point de départ. Et qui raconte à un mec barbu qui se fait passer pour un shérif. En plus. Okay. Et qui serait allemand. Ouais. Putain. Qui serait joué. Il y a tout le monde qui a les mêmes idées en même temps. c'est fou. Mais vous vous émulez en fait, vous créez l'histoire en même temps. Du coup, je dois encore faire Django Gump. Un autre alors. Le Seigneur des Parrains. Le Seigneur des Parrains. Ouais. Bah en gros, c'est tous les parrains. Et c'est tous les parrains de tout New York. Ils se retrouvent dans Central Park, dans la forêt de Central Park. Et en fait, ils trouvent une Cadillac, mais ils savent pas quoi faire avec parce qu'en gros, la Cadillac, elle est hantée. C'est un remake de Christine en même temps. En plus, et du coup, la Cadillac elle est hantée, et du coup, ils savent pas trop quoi faire avec. Et là, ils décident que c'est le parrain le plus petit, c'est Jean-Michel Parrain. Et en fait, Jean-Michel Mafia, il doit aller jeter la Cadillac hantée du haut du Golden Gate Bridge à San Francisco. En fait, il lui arrive plein d'aventures, et surtout à San Francisco, en fait, il y a plein de hipsters. Parce que eux, en fait, New York c'est resté bloqué aux années 40, et nous on est en 2010. Et du coup, bah, ils sont tous bloqués et les parrains, ils ne savent pas trop ce qui se passe. Et du coup, il y a une grosse baston entre toute la mafia des années 40 et les hipsters. Et à la fin, en fait, bah, la Cadillac, elle s'est pris tellement de balles au milieu du Golden Gate Bridge, au milieu d'une grosse baston, qu'elle explose. J'aime. Voilà. J'achète ce film. C'était pas mal. Très bon. Je voulais juste dire qu'il y aurait peut-être Al Pacino dessus. Al Pacino, ouais. Et Sean Bean. Et je veux que Sean Bean meure. Obligatoirement. Il n'y a pas le choix, de toute façon. Ouais. Dans ses contrats, maintenant. Voilà. Bon, c'est difficile d'enregistrer. Bah, du coup, je pense que là, on a un bon background quand même. C'est un bon synopsis. J'aime bien. Bon, alors on passe le bon, la brute et l'intouchable. Ça se passe en Inde. Yes. Laisse Mathias, si. Ouais, Mathias, il est trop vieux. Il a bien un scénario, okay, nom de Dieu. Eh bah, ça se passe en Inde. C'est obligatoire parce que c'est dit. Donc c'est... Quoi, ça va se passer en Inde? Allez, choisis. Alors, c'est pourquoi en Inde spécifiquement? C'est l'histoire d'un Indien. Un Indien d'Amérique ou un Indien d'Inde? Non, c'est l'histoire d'un Pakistanais. Un Indien de Chine. D'un Américain. Et d'un Parisien. Et il y a un. Donc le Parisien, c'est un handicapé. Bon, jusque-là, vous avez compris la référence. Ouais. Bah oui, putain! Et l'Américain qui arrive est noir et joué par Omar Sy. Je le dis tout de suite, comme ça, c'est fait. Omar Sy, c'est cool. Parce qu'en fait, il revient de Jurassic World. Bah, parce que tout a été bouffé, du coup, il revient. Il a plus de boulot, du coup, il se retrouve à la NPE, il retourne en France. Mais j'aime bien. Hein. Du coup, il revient en France et il fait « Bon, bah, qu'est-ce que je vais faire ?» Parce qu'il revient chez sa famille et tout, alors c'est un peu chiant parce que... Il n'y a rien à faire, mais il est très gentil, tu vois, il est un peu simplé. Mais il essaye de dompter sa famille comme des dinosaures. Du coup, il leur donne des rats, comme ça, à table. Comme ça, comme Chris oui, Pratt. Oui, il fait comme Chris Pratt. J'ai complètement oublié que c'était... D'accord. Donc lui, c'est le bon, et la brute, c'est le Pakistanais vendeur de roses, que quand tu lui achètes pas une rose, il tape sur la gueule. Il tape avec la rose, mais les épines, comme ça, sur ta tête. C'est vicieux. Et du coup, ils se retrouvent tous dans un bar parisien. Pour on sait pas pourquoi, mais ils se retrouvent et pour réparer la roue de l'handicapé qui était crevé. Oui, et que en fait le Pakistanais il vend des mais roues. Heureusement, Omar Sy, grâce à son pote Chris Pratt, lui a apporté deux raptors. Ils ont pu les mettre devant le fauteuil roulant, et du coup, ça faisait un fauteuil roulant à traction en fait. Et tu pouvais tracer à 45, du coup, ils l'ont débridé comme ça en fait. Et après, il va au Colisée à Rome et il fait une course avec les autres participants, comme dans Ben-Hur. Spartacus. Ouais, il y a Spartacus et Ben-Hur. Est-ce qu'il y a une histoire de trésor caché quelque part? Oui, dans un bateau pirate. Ouais. C'est Willy Le Borgne. Sur une île. Oui, il faut creuser. Dans un bateau sur une île. Bon, voilà. Il nous reste 3 minutes, on va proposer le dernier du coup. Ah. Vous organisez. Mon Guillaume, voisin prédateur. Mon voisin prédateur. Alors, c'est un mec qui emménage dans une bourgade américaine de base. Mon voisin prédateur. Okay. Oh. Il emménage dans une petite bourgade et tout ça. Et est-ce que c'est au Japon? Ils se rendent compte que son voisin, il a bien joué avec des lasers. Voilà. en fait tout, le début du film, en gros, on suit sa vie avec sa femme et tout ça. Il s'embrouille parce qu'il a acheté du jus de raisin alors que sa femme, elle aime le jus d'orange. Et en fait, ouais, bah, ça, c'est sa histoire. Et en fait, au bout d'un moment, il se rend compte que la nuit, il y a un laser comme ça, inhérent, qui passe. Et il entend des bruits, genre des bruits d'explosion et tout ça. Donc le lendemain, il décide d'aller voir et il se rend compte que dans la maison de son voisin, qui est le prédateur, il y a plein de membres, enfin pas de membres, mais d'os humains accrochés partout. Est-ce que la petite bourgade n'est pas en pleine forêt amazonienne? Non, c'est en pleine bourgade américaine. Ok, d'accord. Non, c'était juste pour être sûr. Non, mais c'est... Et est-ce que quand il rentre chez ce voisin, il découvre qu'il a un chat chez lui, mais un chat à bus? Il peut avoir un chat bus, ouais. Son moyen de locomotion, le prédateur, c'est un chat bus. Je propose que ce soit un alien bus, du coup. Oui, ou un alien bus. Le fait que ce soit un chat bus fait déjà de lui un alien. Parce qu'il sera orange et vert. Peut-être. Ça part très très loin. Et du coup, le mec se fait séquestrer par le prédateur qui décide, qui en fait a fait pousser une jungle amazonienne dans sa forêt, dans son jardin, son jardin, voilà. Sous serre. Voilà. Et à partir de ce moment-là, en fait, il y a un inspecteur vachement sympa qui est interprété par Danny Glover qui arrive et qui est trop vieux pour ses conneries déjà. Et en gros, il arrive et il se bat contre le prédateur. Sauf qu'il savait pas, mais en fait, c'est pas mon voisin prédateur, mais c'est mon voisin. Alors. Non, c'est pas ça. Donc il y en a qu'un. Il y en a qu'un. Et le cliffhanger du film, au milieu du film, il y a un cliffhanger vers la fin où en gros on se rend compte que tous les autres prédateurs de la maison étaient invisibles. Et du coup on peut faire une séquence. C'est mon voisin, les prédateurs. Wow. Voilà. Et comme c'est Ridley Scott, je suppose à la production, ouais. On va changer le titre pour Prometheus. Et on va l'appeler Alien versus Prometheus versus Predator. Mon voisin. Mon voisin. Et moi, je pense qu'on pourrait intégrer le fait que sa femme ait le cancer. Oui. On veut pas le lâcher, il est trop bien. Ouais. J'ai envie de le faire maintenant. Voilà. Mon voisin bah, prédateur. Ouais, et vous savez quoi, il est 9h et ça va mieux. Merci pour votre jeu. Merci, tu as sauvé l'ambiance du live. Vous avez très bien joué, alors je pense qu'on peut s'applaudir. Oui, ouais. Applaudissons-nous. Ouais.